Activité 11. Dialogue 1. Elisa, tu peux me prêter le DVD du film Amour ? Non, désolée. Mais pourquoi ? Je voudrais le regarder ce week-end. Et puis la dernière fois que je t'ai prêté un DVD, tu l'as gardé pendant 6 mois. Alors non, je ne préfère pas. Dialogue 2. Salut, je te présente Coralie, c'est ma cousine. Salut Coralie, c'est toi qui habites à Marseille ? Non, ça c'est Magali, mon autre cousine. Coralie habite à Nantes. Dialogue 3. Salut Karine, tu sais ce qui m'est arrivé la semaine dernière ? Non, vas-y, raconte. J'ai vu le chanteur du groupe Phoenix dans un magasin de disques. Il m'a tenu la porte pour sortir du magasin et après, il m'a souri. Dialogue 4. Excusez-moi, je cherche la bibliothèque. Vous pouvez m'aider ? Oui, il faut prendre l'entrée centrale. Montez au premier étage et allez à droite. La bibliothèque est au fond du couloir.